L'automne est arrivé, mais il ne faut pas oublier de penser à notre retraite et surtout de bien planifier notre budget. Service financier Jacqueline Doucet a pour mission de vous aider à atteindre votre indépendance financière grâce à des stratégies personnalisées. Nous sommes en mesure d'optimiser votre situation financière en vous proposant une planification complète en placement et assurance. Pour rencontrer l'équipe dynamique et sympathique de Service financier Jacqueline Doucet, 418-276-6170. Monsieur Jacqueline Doucet et toute son équipe rappelle que l'achat local est vital pour protéger nos emplois et notre économie. Un commentaire hebdomadaire à notre ami Phil Léguin. Salut Phil. Bonjour Danny. Phil, j'ai fait une entrevue aujourd'hui que ça fait longtemps que je voulais faire. Serge Savard, évidemment. Moi, j'ai été impressionné par le gars. Je veux dire, en effet, je pensais pas que c'était un gars que... C'est un gars que je respecte énormément. On dit que quand Serge Savard parle, le monde écoute. Mais il va dire, en effet, je l'ai connu sur un autre angle. Je le pensais moins humain que ça. Il y a une chose qui est sûre, David. D'ailleurs, au départ, qu'il ait répondu à ton appel pour faire une entrevue avec toi, déjà, ça m'impressionne énormément de l'individu, là, ouais. Danny. Tu sais, au départ. Deux, on l'appelait le sénateur. Je pense pas qu'on a inventé ce mot-là parce que c'est un gars qui était très reconnu, très respecté par ses coéquipiers et un peu partout à travers la Ligue. Et quand Serge Savard parlait, soit dans les entrevues de télévision, radio ou dans les journaux, on sait que les journalistes qui l'ont rencontré toujours les gens montraient beaucoup de respect envers lui. Sur la glace, c'était un gars qui était impressionnant. Physiquement, il était gros et grand. Ouais. Deuxièmement, la façon de jouer. Et moi, en tant que directeur gérant chez le Canadien de Montréal, je trouve qu'il faisait quand même dans l'ensemble un excellent travail. Sauf que c'est un gars qui a des idées bien arrêtées, sa façon de voir. Il passe pas à côté de la question, il répond directement à la question. Ça plaît pas toujours à tout le monde, ça fait pas toujours l'affaire de tout le monde, mais c'est la façon de Serge Savard. Et je pense que pour lui, il a toujours été de cette manière-là, autant comme joueur que comme gars qui donnait des entrevues ou comme DG. Je pense que les gens le respectaient pour la façon qu'il est, et je pense qu'il démontre très, très, très bien. Et j'ai posé la question, tu sais, Phil, je vais t'en poser toi-même la question. J'ai posé la question, c'est encore en 2019, c'est d'actualité d'avoir des joueurs québécois autant. Lui, il prône beaucoup ça. Il disait que dans son temps, il y avait 12-13 Québécois dans son équipe. Puis j'ai demandé si en 2019, ça pourrait se faire encore. Puis il m'a pas dit, tu sais, il a été très, très... Il a patiné un petit peu la question, il a tourné autour du pot, mais à quelque part, si tu sais lire entre les lignes, selon lui, c'est encore d'actualité. Je pense que oui, c'est d'actualité, mais c'est plus difficile aujourd'hui que ça l'était dans le temps de Serge Savard. Parce que, au moment où je te parle, Danny, il y a énormément d'Européens qui jouent maintenant. La Ligue nationale, la Ligue junior, toutes les ligues professionnelles, énormément d'Européens, ce qui n'était pas nécessairement le cas dans le temps. Dans le temps également, les équipes n'étaient pas organisés comme ils le sont aujourd'hui au niveau du dépistage professionnel. Aujourd'hui, c'est des machines qui détectent les joueurs, avec quelle façon qu'ils travaillent, beaucoup de dépisteurs. Écoutez, au match du Saguenay, en fin de semaine dernière, il y avait entre 30 et 40 dépisteurs professionnels. Il y a 15-20 ans, c'était pas vrai. Là, il n'y avait pas ça. T'sais, les équipes étaient moins bien nanties. Deux, c'est que la rivalité, à un certain moment, où quand il y a eu les Nordiques... qui était une équipe au Québec avec les Canadiens de Montréal, c'était, je pense, une importance capitale pour les Canadiens de Montréal d'avoir des joueurs francophones, parce qu'à Québec, il y en avait beaucoup. Eux autres, ils misaient énormément sur l'aspect québécois, l'aspect de la langue. Mais ça demeure quand même plus difficile aujourd'hui de réussir les mêmes choses. Comme, moi, je pense que c'est impensable, le Canadien l'a déjà fait, mais c'est impensable que l'instructeur du Canadien de Montréal ne soit pas capable de s'adresser en français avec les gens, les médias. Moi, demain matin, on convient Claude Julien, ça prend un instructeur qui parle les deux langues, comme ça prend un directeur gérant qui parle les deux langues. T'sais, à Montréal, là, c'est l'effet francophone. Remarquez, les points de presse débutent comment, tu penses? À 95% ils débutent en français. Ouais. Donc, à ce moment, d'ailleurs, vous le voyez très bien après les matchs, il y a une conférence de presse en français, il y en a une immédiatement après en anglais. Donc, l'élément francophone est un élément très important, parce que moi, je pense que 70% de la clientèle du Canadien de Montréal est francophone. Donc, à ce moment-là, tu ne peux pas te permettre de dire que tu négliges l'aspect francophone. Mais il faut admettre que les dernières années, avec Marc Bergevin, même s'il dit qu'il y a des dépisteurs au Québec puis surveille ça, ça n'a pas donné nécessairement des résultats escomptés. Écoutez, on a repêché Pinard, un gars de 19 ans, au 7e round. Ben, moi, je suis convaincu, avec tout le respect que j'ai pour Hervé Pinard, c'est vraiment l'effet camp francophone qui a aidé énormément Pinard. Puis je dis pas que Pinard ne fera pas jamais le Canadien de Montréal, c'est pas ça que je dis. Je dis simplement que le Canadien a fait un effort à ce moment-là parce qu'il avait repêché dans les 6 premières rondes aucun Québécois. Mais oui, mais oui. Alors qu'il y en avait des possibilités énormes de repêcher des Québécois. Donc, moi, personnellement, je pense que le Canadien doit tenir compte, mais il ne le fait pas nécessairement. Mais Phil, je vais te donner des exemples, OK? Est-ce que Louis Domingue pourrait être aussi bon que Kincaid comme deuxième gardien de but? Est-ce que... Convaincu. Charles... Mais dans le cas de Domingue, il faut admettre que il a été mis sur au balotage il y a quelques semaines. Ben simplement. Oui. Avant, il appartenait toujours à Tampa Bay. Mais à ce moment-là, est-ce que le Canadien savait que demain il serait disponible? Pas sûr. Mais là, même si on demain matin, on repêche demain, c'est le Canadien à Primo, qui est un jeune gardien de but qui est là. On a mis quelqu'un pour seconder Carey Price pour une année maximum. Tu sais, je veux dire, c'est un peu ça qu'il faut regarder aussi. Il y a des impondérables. Puis deux, aujourd'hui, il faut regarder l'aspect salarial qui rentre toujours en ligne de compte. OK. Est-ce que Charles Hudon, qu'est-ce que Charles Hudon a de moins que Olli Jokinen? Que Arturi Lekkonen, tu sais? Moi, je pense que Hudon, là, dans son cas, à lui, ça fait 5 ans qu'il est avec la Canadienne de Montréal. Tu sais, il faut voir les choses qui sont vraies, là. Ça fait 5 ans qu'il est à Montréal. Et malheureusement, il était avec le Canadien, il est repêché pour produire, comme il produisait au niveau junior, marquer des buts. Il l'a pas fait. Donc, je pense que ça, c'est pas que Charles a pas travaillé. Au camp d'entraînement, on lui a donné toutes les chances possibles. C'est à peu près le joueur qui a joué le plus de matchs hors concours avec le Canadien. Il a travaillé, il a bien joué, mais ça rapportait pas. On l'a mis au balotage, il n'y a aucun club qui l'a repêché, là. Tu sais, je veux dire, faut regarder les choses aussi comme elles le sont également, là. Faut pas non plus fermer les yeux. Mais moi, je suis convaincu qu'au Canin, demain matin, on le met au repêchage. Il va être repêché, là. Ouais. Ça, c'est convaincu. T'sais. Mais dans le cas du Don, exemple, il ne l'a pas été au moment où je te parle. Donc, je trouve ça plate pour Charlie, comme on l'appelle. Ouais. Mais ça demeure quand même que les équipes de la Ligue nationale, ils regardent les joueurs puis ils regardent également le travail qu'il fait. Ouais. Mais donc, Phil, ce que je disais, puis M. Savard là-dessus, il m'a donné raison. T'es-tu d'accord avec moi? Je vais te prendre l'exemple de la vraie vie, là. Mettons qu'un employeur que t'as confiance, qui a confiance en toi, il va aller chercher la petite dose de performance. Il va être capable d'aller chercher la petite dose de performance puis te faire performer à ton meilleur. Charles Hudon, est-ce que ça peut-tu arriver que le fait que le manque de confiance du Canadien a fait en sorte qu'il joue sur les talons? Puis c'est un peu ça aussi. Mais c'est vrai qu'il a peut-être senti un manque de la confiance de la part de la direction. Mais je vais te donner un exemple. Claude Julien, moi, personnellement, ce que je trouve, depuis le début de la saison, regardons le Canadien, là, les joueurs qu'il a critiqués, c'est 3 joueurs recrues. Il a parlé de Fleury, il a parlé de... voyons, de 14... Suzuki. Puis, tu sais, il a pas parlé des vétérans. Il y en a qui se traînent les pieds. Weber joue pas un très grand début de saison, là, quand je regarde un peu... Ce qui est faible, le Canadien, on critique facilement des choses faciles. T'sais, on peut blâmer aussi des fois la direction pour certaines affaires, mais ça demeure que c'est pas toujours facile pour la direction. Moi, Marc Benjamin, je lui ai parlé à quelques occasions dans les dernières années. Là. Puis, comme il dit toujours, il y a 2 choses très importantes. Oui, il y a l'élément francophone, puis il y a l'élément plafond salarial. Mais, encore là, au Québec, avant, dans le temps de Serge Savard, on parlait de 3 puis 4 dépisteurs au Québec. On en a 1 actuellement. À un certain moment, il n'est même pas à temps plein. Donc, c'est un peu ça aussi que le Canadien néglige de son côté. Ça dépend aussi de Serge Boisvert, comment s'il est vendeur. Parce que tu sais très bien, Phil, j'ai pas été dans le monde du hockey, mais j'entends parler ça fait longtemps. Un dépisteur doit mettre des fois sa job en jeu pour faire passer un joueur. Il n'y a aucun doute qu'il y a des dépisteurs qui ont sûrement beaucoup plus d'influence auprès du dépisteur chef qu'il y en avait à certains moments. T'sais, parce que ces gens-là, ce sont des humains, puis quand ils s'assiedent de même table, ils sont 8 ou 10, faut qu'ils vendent leur salade. C'est pas toujours évident. Je parlais avec Jérôme Maisonneiro dernièrement, qui est pour le Colorado. Lui, il est très fier que Samuel Girard ait signé un contrat à long terme parce qu'il l'avait dans sa cour. Lui, il était au Et la question que j'ai posée aussi, Phil, une question très importante que les gens m'ont demandé sur les médias sociaux d'y poser, puis j'ai posé. On sait que Serge Chavard a été la personne qui a conseillé Jeff Morrison à engager Marc Bergevin, puis j'ai demandé si, oui, avec tout ce que tu sais aujourd'hui, avec tout, est-ce que tu referais, vous referiez la même démarche et vous conseilleriez Marc Bergevin, Jeff Morrison d'engager Marc Bergevin? Et là-dessus, il m'a répondu que... Puis ça, c'est dans n'importe quel autre domaine. Hein. Il y en a qui se vendent bien en entrevue, puis il a dit que si ça serait refait, il referait la même affaire, parce que Marc Bergevin, à l'entrevue, il a été très bon. Ben, moi personnellement, là, ouais, je dis pas que Marc Bergevin fait un travail extraordinaire, ouais, mais je dis pas qu'il fait un mauvais travail. Le Canadien a quand même vécu des années difficiles. On n'a pas toujours repêché. Puis, Marc Bergevin, au départ, quand il arrivait à Montréal, il était condamné à produire immédiatement, puis à faire les séries éliminatoires. C'est un peu ça que le Canadien doit faire. À ce moment-là, tu fais quoi? Tu sacrifies des choix de repêchage, tu sacrifies des joueurs pour aller chercher des choses, pour réussir à faire les séries. Tu sais, la transaction Piqué-Saubin contre chez Weber, quand la transaction était faite, tout le monde était d'accord pour dire que c'était une bonne transaction. Moi, aujourd'hui, je regarde ça. Weber a été blessé plus souvent qu'autrement. Il vieillit. Moi, personnellement, il ne m'impressionne pas outre mesure. J'aimerais mieux avoir Piqué Saubin personnellement. Mais sauf que tout le monde dans l'entourage du Canadien qui dit que Piqué est énormément difficile à gérer. Et d'ailleurs, on a eu la preuve. Il n'a pas été longtemps avec Nashville. Il est rendu maintenant avec les Devils du New Jersey. Puis il finira pas sa carrière au New Jersey, je peux te dire non, ça. Non, je suis convaincu de ça aussi. Là. Donc, à ce moment-là... Moi, je pense que Bergevin travaille avec ce qu'il a. Quand il a congédié Michel Therrien, est-ce que c'était le bon geste? Est-ce qu'il a engagé le bon gars avec Claude Julien? Moi, je ne suis pas un fan de Claude Julien, puis je ne le ferai jamais. Mais je ne critique pas nécessairement Claude Julien pour le critiquer, là. Mais moi, personnellement, moi, je pense que c'est la vieille méthode, c'est l'ancienne façon de faire du hockey. C'est plus ça, aujourd'hui, dans les instructeurs de hockey. Ça prend des instructeurs différents, aujourd'hui, des gens qui sont plus près des joueurs, des jeunes avec de nouvelles méthodes pour convaincre le jeune de travailler. Parce que les joueurs de hockey, aujourd'hui, ils arrivent à la Ligue nationale, ils savent jouer au hockey. Oui. Les systèmes de jeu, ils les connaissent. Ils ont appris chez les juniors. Avant, là, les gars arrivaient souvent à la Ligue nationale. Chez les juniors, ils n'avaient peut-être pas appris. Aujourd'hui, la qualité des instructeurs juniors est très grande. Ces gars-là savent bien diriger leur club. Et moi, je pense que le travail est moins là. C'est bien plus une relation joueur-instructeur pour aller chercher le maximum puis être capable d'en partir, d'être capable de s'ajuster en cours de route. Moi, je me rappelle très bien au niveau du junior, Gaston Drapeau n'était pas nécessairement le meilleur instructeur techniquement parlant. Mais dans le match, là, c'était un top pour s'ajuster en cours de route contre l'instructeur adverse. Il était très bon. Moi, Julien, je suis loin d'être sûr, je suis pas un fan de lui, mais Marc Bergevin, écoutez, on dit que le Canadien est rempli de bons jeunes joueurs maintenant. Est-ce qu'ils vont produire? Est-ce qu'ils vont performer? Est-ce que Marc Bergevin va avoir le temps de les voir performer à leur juste valeur? Ça, je suis loin d'être sûr. Mais Phil, tu as parlé tantôt de l'importance d'avoir un entraîneur francophone. C'est ça aussi, nécessairement. Là, à Montréal, c'est pas un entraîneur francophone. Fait que c'est pas nécessairement les meilleurs candidats. Tu verras pas Mike Babcock là, là. Mais là-dessus, Marc Bergevin a bien travaillé. Ouais. Carme est là. Joël Bouchard est là. Dis-toi que l'un des deux, quand... il va partir, l'instructeur Claude Julien. Oui. C'est l'un des deux qui va être là. Moi, je pense que c'est plus Dominique Ducharme que Joël Bouchard. Là, oui. Parce que Joël, il s'emporte facilement, puis je suis pas sûr que c'est toujours la meilleure des solutions. Mais c'est un des deux qui va être là, ça, j'en suis convaincu. D'ailleurs, vous regardez à Laval, il y a deux instructeurs francophones qui travaillent avec lui. Donc, on travaille énormément là-dessus pour préparer la relève de Claude Julien. Le Canadien n'a pas le choix. Ça prend quelqu'un qui parle les deux langues pour... Un gars comme, je dis pas que ça viendra pas, là, mais un gars comme Benoît Groulx, ça serait le temps qu'il se change aussi. Là, mais Benoît Groulx est un très bon nom. Écoute, Gilles Bouchard actuellement est rendu là-bas. Éric Veilleux est également là-bas. Il y en a une couple qui sont dans la Ligue américaine. Avant, c'est très rare que tu voyais des francophones diriger dans la Ligue américaine. Maintenant, Pascal Vincent est à Winnipeg depuis quelques années. Ouais. Il est près de la Ligue nationale. C'est un francophone, tu sais. Il y en a des francophones, là, actuellement, des gars qui dirigent dans la Ligue américaine. Et moi, personnellement, je pense qu'ils sont là. Puis ces gars-là, c'est sûrement les futurs qui vont travailler avec le Canadien de Montréal au niveau d'instructeur-chef. Il n'y a aucun doute là-dessus. En tout cas, Phil, si jamais tu as la chance de mettre la main sur la biographie de Serge Savard, c'est très intéressant. Je ne sais pas si tu es un lecteur, là, mais j'ai commencé à lire. Je vais aller l'acheter pour le lire parce que moi, j'ai toujours aimé Savard, son franc-parler, sa façon de faire. Puis c'est un personnage qui a marqué l'histoire du Canadien, puis a marqué l'histoire du Québec. Il n'y a aucun doute là-dessus. Phil, on s'en parle vendredi prochain. C'est le commentaire de Phil Léguin.